FrenchPod.com. Oh là là, tu n'as pas menti, c'est merveilleux. Ça te plaît alors? J'adore toutes ces lumières, c'est vraiment splendide. Nous sommes très fiers de cette fête. Avec la musique en plus, quelle ambiance! Aujourd'hui, c'est Lyon, la ville lumière.